Fabrice n'a plus qu'à se préparer à son évasion. Et cette évasion se déroule sans problème. Accueilli au pied de la citadelle par les hommes de la duchesse, il est transporté en territoire piémontais dans un petit village. Arrivé elle aussi en Piémont, la duchesse donne l'ordre à Ludovic, son fidèle serviteur, d'ouvrir les vannes du réservoir de son palais, signe de l'assassinat du prince pour Ferrante et Palla. Le lendemain de bonne heure, la duchesse et Fabrice étaient à Belgerate. On s'établit dans ce village enchanteur, mais un chagrin mortel attendait la duchesse sur ce beau lac. Fabrice était entièrement changé. Dès les premiers moments où il s'était réveillé de son sommeil, en quelque sorte léthargique, après sa fuite, la duchesse s'était aperçue qu'il se passait en lui quelque chose d'extraordinaire. Le sentiment profond, par lui caché, avec beaucoup de soin, était assez bizarre. Ce n'était rien moins que ceci. Il était au désespoir d'être hors de prison. Il se gardait bien d'avouer cette cause de sa tristesse. Elle eût amené des questions auxquelles il ne voulait pas répondre. Ainsi, quelle inquiétude, quelle douleur pour la duchesse. Cet être adoré, singulier, vif, original, était désormais, sous ses yeux, en proie à une rêverie profonde. Il préférait la solitude même au plaisir de parler de toutes choses, et, à cœur ouvert, à la meilleure amie qu'il eût au monde. Voilà ce qui devait arriver tôt ou tard, se disait la duchesse, avec une tristesse sombre. Le chagrin m'a vieilli, ou bien il aime réellement, et je n'ai plus que la seconde place dans son cœur. Avilie, atterrée par ce plus grand des chagrins possibles, la duchesse se disait quelquefois. Si le ciel voulait que Ferrand fût devenu tout à fait fou ou manquât de courage, il me semble que je serais moins malheureuse. Dès ce moment, ce demi-remords empoisonna l'estime que la duchesse avait pour son propre caractère. Ainsi, se disait-elle avec amertume, je me repens d'une résolution prise. Je ne suis donc plus une Del Dongo. Le ciel l'a voulu, reprenait-elle. Fabrice est amoureux, et de quel droit voudrais-je qu'il ne fût pas amoureux? Une seule parole d'amour véritable a-t-elle jamais été échangée entre nous? Comme il fallait tout prévoir, la duchesse avait établi Fabrice au port de Locarno, ville suisse à l'extrémité du lac Majeur. Tous les jours, elle allait le prendre en bateau pour de longues promenades sur le lac. Eh bien, une fois qu'elle s'avisa de monter chez lui, elle trouva sa chambre tapissée d'une quantité de vues de la ville de Parme qu'il avait fait venir de Milan, ou de Parme même, pays qu'il aurait dû tenir en abomination. Son petit salon, changé en atelier, était encombré de tout l'appareil d'un peintre à l'aquarelle, et elle le trouva, finissant une troisième vue de la tour Farnese et du palais du gouverneur. « Il ne te manque plus, lui dit-elle d'un air piqué, que de faire de souvenir le portrait de cet aimable gouverneur qui voulait seulement t'empoisonner. « Mais j'y songe, continua la duchesse, tu devrais lui écrire une lettre d'excuse d'avoir pris la liberté de te sauver et de donner un ridicule à sa citadelle. » La pauvre femme ne croyait pas dire si vrai. À peine arrivée en lieu de sûreté, le premier soin de Fabrice avait été d'écrire au général Fabio Conti une lettre parfaitement polie et dans un certain sens bien ridicule. Il lui demandait pardon de s'être sauvé, alléguant pour excuse qu'il avait pu croire que certains subalternes de la prison avaient été chargés de lui administrer du poison. Peu lui importait ce qu'il écrivait. Fabrice espérait que les yeux de Clélia verraient cette lettre, et sa figure était couverte de larmes en l'écrivant. Il la termina par une phrase bien plaisante. Il osait dire que, se trouvant en liberté, souvent il lui arrivait de regretter sa petite chambre de la tour Farnèse. C'était là la pensée capitale de sa lettre. Il espérait que Clélia la comprendrait.